بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue dans notre livre Sharh Usul al-Iman du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications de Cheikh Saleh al-Fawzan حفظه ta'ala. On est toujours dans Kitab dans Usul al-Iman, les fondements de la foi, c'est-à-dire les piliers de la foi, et al-Iman billah, la foi en Allah Azza wa Jal. Et le point que le Cheikh il explique maintenant, c'est des hadiths au sujet de Al-Istishfa. Al-Istishfa, c'est-à-dire le fait de chercher l'intercession. Et il explique un point spécifique par rapport à ça. Il dit An-Nahyu an al-Istishfa'i billahi ala ahad. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est. Lorsque, en général, on demande l'intercession à quelqu'un, on demande toujours l'intercession de quelqu'un qui est plus bas pour aller vers quelqu'un qui est plus haut. Ça, c'est la règle. Et quand, par exemple, on demande l'intercession d'Allah, on va demander, par exemple, comme par exemple au jour de la résurrection ou bien dans la dunya, quand les sahaba étaient qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, demande à Allah pour nous, hein? Demande à Allah pour nous, pour qu'il nous exauce. Ou bien au jour de la résurrection, quand les hommes vont attendre le jugement, ils demandent au prophète d'implorer Allah et d'intercéder à Allah auprès pour eux. Donc ça, c'est ce qui est permis. Hein, dans l'intercession, par rapport à l'intercession, de demander l'intercession en passant yani d'un petit pour aller vers celui, un petit, c'est-à-dire de quelqu'un qui est en bas pour aller vers quelqu'un qui est en haut. Hein. Même dans les intercessions de la dunya, si tu veux aller par exemple travailler quelque part, tu ne connais pas le patron, tu demandes à quelqu'un qui est proche du patron, puis tu lui dis, écoute, parle-lui, dis-lui, est-ce qu'il peut m'engager? Donc, lui, il va aller voir le patron pour toi. Et il va lui dire, écoute, lui, je le connais, c'est un bon travailleur, engage-le. Hein? Donc, tu passes vers celui qui est petit pour aller vers celui qui est grand. Donc, qu'est-ce qui est interdit dans ce titre? C'est de demander au grand l'intercession pour aller vers celui qui est petit. Ça, c'est le contraire de qu'est-ce que les gens font d'habitude. Et ça, c'est interdit en même temps, parce que c'est comme si tu fais ça, tu rabaisses Allah. Tu passes par le prophète, hein? Tu passes par exemple, par Allah pour aller au prophète. Ça veut dire, t'as rabaissé Allah. Et c'est ça, en fait, qui est interdit, et on va le voir dans le hadith. Le hadith en lui-même, il n'est pas authentique, mais la signification, elle est vraie. Donc ici, le Cheikh dit, وعن جبير ibn Muhammad ibn مطعم عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بك على الله وبالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بأصبعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب رواه أحمد وأبو داود. Donc qu'est-ce que ça signifie, ce hadith qui est rapporté selon Jubair ibn Muhammad ibn Mut'im, selon son père, selon son grand-père? Donc Jubair, le fils de Muhammad, le fils de Mut'im. Donc son père, c'est qui? C'est Muhammad. Jubair, son père, c'est Muhammad. Et son grand-père, c'est qui? C'est Mut'im. Donc il dit, c'est un hadith qui est rapporté par Jubair, selon son père, selon son grand-père. Donc il le rapporte de son grand-père ce hadith-là. Et il dit, un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, il mentionne les problèmes, la situation est difficile. Il dit, ô messager d'Allah, les gens, leur vie est devenue difficile. Les enfants sont perdus, les biens sont en train de périr, et les animaux commencent à mourir. Alors demande à Allah pour qu'il fasse tomber la pluie pour nous. Hein? Et il dit, فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ, demande à ton Seigneur de faire tomber la pluie pour nous. Il dit, donc nous cherchons ton intercession auprès d'Allah, et on intercède Allah vers toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit, malheur à toi, est-ce que tu réalises qu'est-ce que tu dis? Et là, il a dit, subhanallah, il a continué à dire, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hein? Sabbaha Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il a continué à dire subhanallah jusqu'à ce que les sahaba, on voit ça dans le visage de ses compagnons, l'effet dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Il était tellement choqué de la parole de ce bédouin quand il a dit ça. Alors, il lui a dit, malheur à toi, on ne demande pas l'intercession d'Allah vers une de ses créatures. L'importance d'Allah est beaucoup plus grande que ça. Malheur à toi. Est-ce que tu sais ce qu'est Allah? Hein? Son trône, hein? Et sur tous les trônes, de cette façon. Et il a montré ses doigts, il a fait avec ses doigts comme un genre de dôme. Hein? Pour montrer que le trône d'Allah, il est sur les cieux et la terre comme un dôme. Hein? Et il dit, et on entend le bruit, hein, que le bruit de la pesanteur, hein, du trône sur la création, de la même manière que lorsque une personne monte sur un chariot et que tu entends le bois qui craque, hein, au moment où il monte dessus. Donc ça, c'est rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Sauf que Cheikh Al-Albani, il l'a déclaré da'if dans Da'if al-Jami' et d'autres également parmi les ulama. Et il dit, c'est ça. Tandis qu'il dit, وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي نُسَخِ الْمَطْبُوعَ مِنْ مُسْنَدْ أَحْمَدْ. Donc il dit, la note de bas de page, ça dit que dans la Musnad de l'imam Ahmad, on n'a pas trouvé cette narration-là dans la version qui est publiée. Donc, c'est possible qu'il ne soit pas rapporté par Ahmad. Donc, il dit, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, « هذا الحديث كذلك جاء في تفسير قوله تعالى وما قدر الله حق قدره فهذا الأعرابي كان قد حصلت منه إساءة في حقه جل وعلا فهو ما قدر الله حق قدره وذلك لأنه لم يعرف الله عز وجل من خلال قوله للرسول صلى الله عليه وسلم وبالله عليك بسبب جهله والجهل آفة يعني وبالله عليك c'est quand il dit نستشفع بالله عليك. On cherche l'intercession d'Allah vers toi. Donc il dit, donc le cheikh, il explique que ce hadith-là, il est venu dans les explications de la parole d'Allah dans Surat Az-Zumar, le verset 67, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, c'est-à-dire, ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite. Et on avait mentionné dans les chapitres précédents, justement, l'explication de ça, le fait que Allah Azza wa Jal, au jour de la résurrection, il va faire une poignée avec les cieux et la terre, hein? Il va les plier dans sa main. Et tout ça pour montrer que Allah Azza wa Jal, il est hein, plus grand que toute la création, et que la création est infiniment petite par rapport à Allah Azza wa Jal. Donc, le bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a manqué de respect envers Allah. C'est comme s'il a mal il n'a pas estimé Allah comme il se doit, comme il le mérite. Et il n'a pas connu Allah Azza wa Jal. Et ça, on le comprend lorsqu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on cherche l'intercession d'Allah auprès de toi. Hein? Et ça, c'est à cause de son ignorance. Et l'ignorance, c'est une maladie. L'ignorance, c'est une maladie. C'est un malheur. Le cheikh, il dit, Fafi, هذا الحديث الحث على معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله حتى يقدروه حق قدره جل وعلا فمن لم يعرف الله فمن لم يعرف الله فإنه حري بأن يقدر بأن لا يقدر الله حق قدره. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith, il y a une incitation à connaître Allah, à apprendre qui est Allah par ses noms et par ses attributs et par ses actions, pour qu'on puisse l'estimer à sa juste mesure, à sa juste valeur. Donc, celui qui ne connaît pas Allah Azza wa Jal, c'est certain qu'il ne va pas l'estimer hein, et le respecter comme il le mérite. Et tu vois ça dans, la, dans l'exemple des koufars et des mouchriquins. Par exemple, les chrétiens, les juifs, les autres mouchriquins parmi les êtres humains qui adorent d'autres choses avec Allah, quand ils parlent d'Allah, tu vois qu'ils n'ont aucun respect, ils n'ont aucune connaissance d'Allah, ils n'estiment pas Allah tel qu'il le mérite. Ça, c'est sans parler des athées et des autres égarés parmi les êtres humains, les communistes et autres. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh, il dit, « وَقَوْلُهُ جَاءَ عَرَابِيٌ وَالْعَرَابِي هو الذي يسكن البادية والحضري هو الذي يسكن الحاضرة والغالب على الأعراب الجفاء والجهل قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله ولهذا جاء النهي عن البقاء في البادية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجاء الحث على الذهاب إلى أهل الحواضر لأجل التعلم فلا يبقى الإنسان أعرابيا بدويا طوال حياته وإنما ينبغي له أن يتفقه في دين الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que يعني un bédouin qui est venu comme c'est mentionné dans le hadith. Et il dit que le bédouin, c'est qui? C'est celui qui habite dans le désert. Mais c'est pas seulement celui qui habite dans le désert, parce que le bédouin, ça c'est par rapport à la, aux Arabes, que le, les bédouins des Arabes, c'est ceux qui vivent dans le désert. Mais il y a également des bédouins dans toutes les cultures, dans tous les peuples. C'est les gens qui habitent à l'extérieur des villes, hein, qui habitent dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. Où il n'y a pas de civilisation, si on veut. Hein? Donc, ces gens-là, on les appelle Al-Badou. Hein? Il y en a dans, même dans le pôle Nord, c'est des gens qui vivent dans des tentes, des nomades. Ils ne vivent pas dans les villes. Hein? Il y en a dans, des, dans la jungle, dans la brousse. Il y en a qui habitent dans la brousse, dans les forêts, dans les montagnes. Ça, c'est la même chose. C'est des gens qui ne vivent pas là où il y a la civilisation. D'accord? Et ces gens-là, en général, on les appelle Al-Badou ou Al-Badia. Et Al-Hadari, celui qui habite Al-Hadira, qui habite dans la civilisation, qui habite là où il y a des maisons, où les gens sont sédentaires. Et la, la règle générale, c'est que les Bédouins sont des gens qui sont rudes, qui sont ignorants, qui sont durs dans leur façon d'être. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas appris. Ils ne sont pas en, en contact avec la science et avec la connaissance. D'accord? Et le cheikh, il cite ici, aussi ça peut être les gens qui vivent dans les montagnes. Il y a déjà une catégorie aussi de gens qui vivent éloignés de la société, éloignés des villes, ils vivent dans les montagnes. Donc tous les endroits où c'est rude, où c'est dur de vivre là-bas, hein, ces gens qui vivent dans ces endroits-là, en général, il développe ces tempéraments-là, ces personnalités-là. Et Allah Azza wa Jal, il a mentionné le verset 97 dans Surat At-Tawbah. Il a mentionné justement des caractéristiques de ces gens-là. Comme le verset qu'on a dit, 97. Alors, Arabes, ce n'est pas les Arabes. Il y en a qui pensent, quand Allah il dit Al-Arab, que Allah parle des Arabes. Si c'était les Arabes, il aurait dit Al-Arab. Il n'a pas dit Al-Arab, il a dit Al-Arab. Et Al-Arab, c'est les Bédouins. Hein? C'est pas la même chose que hein, quand on dit Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'un Bédouin est venu. C'est pas un Arabe. Parce que tous les musulmans, tous les Arabes de l'époque, qu'ils soient bédouins ou qu'ils soient des gens de la ville, ils parlent tous arabe. Ça n'a pas rapport avec le fait d'être arabe. Donc, Allah Azza wa Jal, il dit donc dans ce verset-là, « Al-Arab, les bédouins, yani, sont plus endurcis dans leur mécréance et dans leur nifaq, dans leur hypocrisie, et plus enclins à ne pas connaître les préceptes de ce que Allah a révélé à son messager. » Donc ça, c'est pas spécifique aux bédouins, comme on dit, les bédouins dans le désert de l'Arabie seulement. Non, c'est tous les bédouins dans toutes les différentes régions de la terre. Hein? Même si en Chine, il y a des déserts, il y a des bédouins là-bas. Eh bien, ça, c'est des bédouins. De la même manière qu'il y a des bédouins ailleurs dans d'autres pays dans le monde. Et ça, Ibn Taymiyyah, elle l'a mentionné dans son livre « Iqtida Sirat al-Mustaqim ». Il a expliqué que les gens qui vivent en dehors des villes, c'est tous des bédouins. Ils rentrent dans cette catégorie-là. D'accord? Et il dit, par contre, il ne faut pas généraliser. Hein, parce que dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal, il dit « وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَنْ يُنْفِقُ مَرْغَمًا وَيَتَرَبَّصُ Non, ça c'est un autre, l'autre verset, mais le verset suivant. « وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Donc ça c'est le verset 99 dans lequel Allah Azza wa Jal il dit et de même que parmi les bédouins il y en a qui croient à Allah et au jour dernier et qui prend ce qu'ils dépensent comme un moyen de se rapprocher à Allah et afin de bénéficier des invocations du messager. C'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah et Allah les admettra dans sa miséricorde. Donc ça, c'est la preuve que parmi eux, il y en a aussi qui sont des croyants, qui sont sincères. Mais la règle générale, c'est qu'ils ont cette al-jafa, cette dureté, hein, cette dureté, cette ignorance en eux. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit aux gens d'habiter dans ces régions-là. D'habiter dans les endroits désertiques ou les endroits éloignés de la ville. Et il dit dans le hadith qui est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, An-Nasa'i et At-Tirmidhi, selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit, celui qui habite dans Al-Badia, eh bien, celui qui habite dans Al-Badia, c'est-à-dire éloigné des villes, il devient dur, Jaffa. Et il dit, Faja al-Hath, donc il y a l'incitation d'aller vers les gens des villes, dans le but d'apprendre, et que la personne ne doit pas rester un bédouin toute sa vie. Hein? Il faut qu'il aille chercher la science et la compréhension de la religion d'Allah Azza wa Jal. Il dit, « فَهَذَا الْأَعْرَابِيُّ جَاءَ وَطَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ يَسْتَسْقِي لَهُمْ وَطَلَبٌ كَهَذَا لَا غُبَرَ عَلَيْهِ فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أجدبوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم وكان هذا الأعرابي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل للناس بسبب تأخر نزول المطر من الجدب والقحط والفقر ومثل هذه الأمور لا بأس من ذكرها للغير حتى يكون هذا حافزاً لطلب السقيا من الله عز وجل ولهذا قال هذا العربي للنبي صلى الله عليه وسلم فإنا نستشفع بك على الله وهذا القول أيضا لا غبار عليه أنهم يطلبون الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه أو من غيره إن كان حاضرا لا بأس به وهذا بخلاف طلب الشفاعة من الميت فهو ممنوع والشفاعة معناها الدعاء فإذا دعوت لأخيك فقد شفعت له. وصلاة المسلمين على الميت شفاعة له، والشفاعة إنما تطلب من الأحياء القادرين على الدعاء. فقوله نستشفع بك على الله يعني دعائك بدعائك، وهذا القول منه للنبي صلى الله عليه وسلم مقبول. Donc le cheikh il explique que ce bédouin il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a demandé de faire la prière de la demande de la pluie pour eux. Il dit, et cette demande-là, il n'y a aucun problème avec. Parce que l'istisqa, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a aucun problème. Les sahabes, ils venaient régulièrement demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y avait de la sécheresse. Ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'implorer Allah pour demander la pluie. Et ils le faisaient. Et ce bédouin, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui expliquer ce qui se passait avec eux, du fait que la pluie était retardée et qu'il y avait beaucoup de sécheresse et beaucoup de pauvreté. Et ce genre de choses-là, il n'y a pas de mal de les mentionner, dans le but que la personne qui va demander la pluie va être motivée à demander justement lorsqu'elle comprend la gravité de la situation. Donc elle va demander la pluie à Allah Azza wa Jal avec plus de force, plus d'intensité, plus de sincérité. Et il dit, c'est pour ça que le bédouin, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous cherchons ton intercession auprès d'Allah. Et il dit, ça aussi, il n'y a aucun problème. Le fait de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intercession auprès d'Allah, ça c'est permis. Puisque, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vivant, il était présent. Et donc, de demander l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, ou à quelqu'un d'autre parmi les gens qui étaient présents et vivants à l'époque, il n'y a aucun problème de faire ça. Hein? Contrairement à celui qui demande l'intercession à quelqu'un qui est mort. Parce que si tu demandes l'intercession à un mort, ça c'est interdit parce que c'est du shirk. Hein? Et l'intercession, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de faire une invocation et de faire un dua. Donc si tu fais un dua pour ton frère à Allah, eh bien c'est comme si tu avais intercédé à Allah pour lui. Hein? T'as demandé à Allah pour lui. Quand quelqu'un meurt, les musulmans font des doigts pour lui ou font la prière du mort pour lui. Ça, c'est une intercession qu'on est en train de faire pour lui. Donc ça, c'est lorsque l'intercession est faite de la part des personnes qui sont vivantes et qui sont capables de faire le doigt, il n'y a pas d'interdiction dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien. Et c'est pour ça que lorsqu'il dit « on demande ton intercession auprès d'Allah », c'est-à-dire ton invocation à Allah pour nous, ça, il n'y a aucun problème dans ça. Hein? Et c'est ce qu'on appelle « tawassul ». Hein? « Tawassul bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam » ou « bidoua in Nabi sallallahu alayhi wa sallam » le fait de chercher l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un doua pour nous. Ça, c'est permis du moment que c'était à son époque, quand il était vivant. Hein? Ou bien, au jour de la résurrection. Mais maintenant, là, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans sa tombe, si quelqu'un fait ça, ça c'est du shirk. Shirk akbar. Hein? Parce qu'il y a des soufis aujourd'hui qui disent, oui, on fait le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Tu ne peux pas faire le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, hein, par son doua, parce que son doua, il ne peut pas faire de doua pour toi puisqu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu fais le tawassul par sa personne, comme les soufis qui font des bid'as de ce genre, ils disent, on demande à Allah par son prophète, ça aussi, ça rentre dans la bid'a. Ça rentre dans les innovations, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait ça, et les sahabas non plus. Donc ça rentre dans la bid'a, et ça peut amener au shirk. Ça peut amener au shirk. Donc c'est pour ça que c'est dangereux, ce genre de choses-là. Ensuite, le shaykh, il dit, وَقَوْلُهُ وَبِاللَّهِ عَلَيْكَ أي نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ. وَهَذِهِ الْجُمْلَةِ هِيَ الَّتِي أَنْكَرَهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لأنه جعل الله جل وعلا شفيعا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل الخالق شافعا عند المخلوق وهذا فيه تنقص لله عز وجل، فهو لم يقدر الله، لم يقدر الله حق قدره. فهذا هو وجه إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله هذا، لأنه تنقص الله فاستشفع به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا بل أنكره. Donc le cheikh il dit, on voit que ici quand le bédouin a dit wa billahi alayka nastashfi'u wa billahi alayka, c'est-à-dire wa nastashfi'u billahi alayka, et il dit le cheikh cette phrase là, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné, parce que il cherche l'intercession d'Allah vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça veut dire qu'il a fait que Allah azza wa jalla c'est lui l'intercesseur auprès du messager. Alors il a fait que le créateur c'est lui qui intercède auprès de la créature. Donc ça veut dire qu'il rabaisse Allah azza wa jalla en dessous de sa créature. Et donc ça, celui qui fait ça, il n'a pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné la parole de ce bédouin lorsqu'il a dit ça, parce qu'il a dénigré Allah azza wa jalla en cherchant l'intercession d'Allah auprès d'une créature. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté ça et il a condamné cette parole. Il dit fafi hadha al-hadith inkarul munkar. Inkarul munkar wa fihi taghlidh ala man asa'a bihaqq Allah subhanahu wa ta'ala, fala yuqalu hadha jahil bal yughalladh alayhi li ajli an yartadi'a wa huwa wa ghayruh. فمن أساء بحق الله فإنه ينكر عليه ويشدد هذا يشدد القول بحقه ولا يترك بحجة أنه جاهل لأجل أن يدرك ويعرف أنه أخطأ وأساء الأدب مع خالقه جل وعلا فيتوب ويقدر الله عز وجل حق قدره. ولهذا شدد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسبح الله ونزهه عما قال هذا الأعرابي وكرر التسبيح تنزيها لله عز وجل قاله هذا الآراء كما عما قاله تنزيها لله عما قاله هذا الأعرابي. Donc le cheikh il dit que on voit que donc dans ce hadith là il y a la condamnation de ce qui est mauvais, de ce qui est interdit, et de faire ça d'une manière très sévère, parce que ici on a manqué de respect à Allah Azza wa Jal. Donc on va pas dire ah mais la personne il est ignorant, on le laisse. Il dit non, il dit il faut être sévère dans ces situations là et vraiment condamner l'affaire de façon très sévère. Pourquoi? Pour que la personne elle ait peur de qu'est-ce qu'elle a fait, et que les autres personnes autour qui ont entendu cette parole-là, eux aussi vont avoir peur de comprendre la gravité de ce qui a été dit, parce qu'on a manqué de respect à Allah Azza wa Jal. Donc, il faut condamner d'une manière sévère et ne pas laisser l'affaire en disant « la personne est ignorante ». Il dit, le cheikh, que c'est pour ça que lorsqu'on comprend que quelqu'un a fait une erreur ou a manqué de respect avec son créateur, eh bien, quand on va répondre de cette manière-là, eh bien, il va se repentir, il va comprendre le respect qui est dû à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sévère de cette manière et qu'il a glorifié Allah plusieurs fois en disant Subhanallah, Subhanallah. C'est-à-dire que Allah soit, exalté et purifié de ce que ce bédouin-là a dit. Et il l'a répété plusieurs fois pour purifier Allah Azza wa Jal. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit wa qawluhu fama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabih. Yani qad shahada as-sahaba ridwanallahi alayhim shiddat at-ta'athur fi wajhihi sallallahu alayhi wa sallam lima qalahu hadha al-arabi. وبالتالي عرف ذلك في وجوه الصحابة رضوان رضي الله عنهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم للأعرابي بعدما أنكر عليه وبعدما نزه الله جل وعلا عن هذا التنقص وعلمه بقوله ويحك أتدري ما تقول. ثم donc on va expliquer ça. Le cheikh il dit Donc, il a continué à glorifier Allah et à dire Subhanallah, que Allah soit purifié, que Allah soit exalté, jusqu'à ce que on voit ça dans son visage. Et même dans le visage des Sahaba, ils ont compris l'affaire, que c'était quelque chose de grave qui s'était dit. Et donc, quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quel point il a été affecté par ce que le bédouin a dit, ils ont vu ça dans son visage. Et donc, ça les a affectés eux aussi. Et on voyait ça sur le visage des Sahaba. Et alhamdoulilah, yani, les Sahaba, c'est des hommes sincères. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme sincère. Quand il sent quelque chose, quand il vit quelque chose, il l'exprime, on le voit sur son visage. Hein? Il ne peut pas cacher ça. Alors, il dit, le cheikh, il dit, puis ensuite, le bédouin, après avoir compris ça, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exalté Allah, il a glorifié Allah azza wa jal pour condamner ce que le bédouin avait dit. Hein, et il lui a dit, malheur à toi, est-ce que tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu sais qui est Allah? Hein, il dit, thumma bayyana lahu sallallahu alayhi wa sallam azamat Allah jalla wa ala wa anna hadhihi al-makhlouqat al-azima al-ha'ila min al-samawati wal-ard kulluha tahta al-arsh al-arshu والعرش هو أعظمها وأكبرها والله جل وعلا فوق عرشه وهذا العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات له تأثر من استواء الله عليه حتى إن له أطيط يعني صوت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب وهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى فهذا العرش العظيم الذي فوق السماوات ومحيط بها شامل لها كلها والكرسي قد وسع السماوات والأرض والكرسي في العرش كحلقة في أرض فلات وهذا دليل على عظمة هذا العرش والله جل وعلا أعظم من ذلك فالعرش مع عظمته وسعته يحصل له هذا التأثر الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله إنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب من استواء الله عليه فكيف من هذا شأنه وهذه عظمته سبحانه يستشفع به على مخلوق من خلقه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي أتدري ما الله أي هل تعرف شأن الله وتعرف معنى ما قلته بحق الله سبحانه وتعالى وكيف أنك أسأت بحقه وتنقصته donc il dit le cheikh par la suite que il continuait donc à glorifier Allah comme on l'a mentionné. Puis ensuite, il a expliqué que toutes les créatures immenses que Allah a créées dans les cieux et la terre, tout ça, c'est en dessous du trône d'Allah. Et le trône, c'est la plus grande et la plus immense de toutes les créatures que Allah a créées. Et Allah, Azza wa Jal, il est au-dessus de son trône. Et donc, ce trône-là, il est immense et c'est la plus immense de toutes les créatures. Et même elle est affectée par le fait que Allah s'élève au-dessus du trône. Le trône, il est affecté par ça. Et il dit que même qu'on entend donc justement le bruit un bruit qui est comparable, il dit comme une personne lorsqu'il monte sur sa monture, hein, un chariot de bois ou quelque chose comme ça, on entend le bois qui craque ou des choses comme ça. Il dit donc le trône, il est affecté lorsque Allah Azza wa Jal s'élève au-dessus du trône. Et il dit le trône, il est plus grand que les cieux et la terre. Et il enveloppe et il entoure hein, toute la création. Et il dit, et tandis que le coursi, le pose-pied, il est plus grand que les cieux et la terre aussi. Et il est en dessous du trône, il est plus petit que le trône. Parce que le coursi par rapport au trône, c'est comme, il a donné l'exemple, comme un bracelet ou un bracelet qu'on jette dans le désert. Tu prends un bracelet, tu le jettes dans le désert. C'est tellement petit, on ne peut même pas le voir. Eh bien, ça, c'est l'exemple du coursi par rapport au trône. Donc, imaginez, si le coursi, il est plus grand que les cieux et la terre, et que le trône est plus grand que le coursi, c'est-à-dire plus grand que le coursi, et que le coursi par rapport au trône, il est comme un bracelet qu'on jette dans le désert, hein, comme un anneau, oui. Al-halaqa. Hein, un bracelet ou un anneau, ou un cercle, un petit cercle. On le jette dans le désert, et on n'y sait rien. Donc c'est pour dire que l'arche, elle est immense. On ne peut même pas imaginer comment. Et le cheikh, il dit, donc le trône avec sa grandeur et comment il est vaste et comment il est immense et malgré ça, il est affecté par le fait qu'Allah s'élève au-dessus de lui. Et il dit donc, ça c'est la preuve que Allah Azza wa Jal, il faut avoir le respect pour lui. Et donc on ne va pas demander l'intercession d'Allah auprès d'une créature. Et c'est pour ça qu'il lui a dit au Bédouin, est-ce que tu sais qui est Allah? Est-ce que tu sais à quel point Allah il est grand et comment il mérite d'être respecté? Et allez, donc comment peux-tu te permettre de dire ce genre de choses et de manquer de respect envers Allah de cette façon? Donc le cheikh il dit, « Wa amma qawluhu » فما زال يسبح وهذا فيه التسبيح عند إنكار المنكر وهذا التكبير التكبير عند رؤية أو سماع شيء منكر وكذلك عند رؤية شيء يعجب به فإنه يسبح ويكبر يكبر الله جل وعلا وقوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه فقد تأثروا رضوان الله عليهم لتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر عظيم والكلمة شنيعة وهذا فيه أن بعض الكلمات تكون وخيمة فينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه وفيه أن الإنسان لا يتكلم بحق الله جل وعلا إلا عن علم ومعرفة ولا يقول على الله بلا علم. Donc le cheikh il explique que il continuait, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à glorifier Allah et à dire subhanallah pour purifier Allah et pour condamner cette parole qu'il avait entendue. Et donc ça c'est la preuve que on peut, lorsqu'on entend quelque chose de mauvais ou lorsqu'on est étonné par quelque chose, on dit subhanallah ou Allahu Akbar. Oui, ça c'est quelque chose d'un exemple qu'on trouve dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit le cheikh ici, jusqu'à ce qu'on voit l'effet de ça dans le visage des compagnons, parce qu'ils ont été affectés par ce qui a affecté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est quelque chose de grave. Et donc une parole qui est mauvaise ou qui est laide, lorsqu'elle est prononcée, eh bien, c'est sûr que il faut que la personne elle préserve sa langue, elle garde sa langue de dire des paroles de ce genre à propos d'Allah Azza wa Jal, et qu'elle ne doit rien dire à propos d'Allah excepté avec de la science et de la connaissance. Et donc, elle ne doit pas parler à propos d'Allah sans science. Et le cheikh il dit, et c'est pour ça que il dit wa qawluhu thumma qala wayhak, yani karrara qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wayhak. يعني دلالة على عظمة الأمر وكلمة ويحك كلمة تقال لمن أشرف على الهلكة فهذا معنى الزجر. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a parlé, il lui disait ويحك, il lui a dit plusieurs fois ويحك, ويحك. Et ويحك, c'est une parole qu'on dit, le cheikh dit, lorsque quelqu'un est au bord de la perdition, quand il est en train de périr. Donc tu lui dis wayhak, et donc ça c'est pour blâmer la personne, c'est dans le sens du blâme ici, zajar. Et le cheikh il dit ensuite, il dit wa qawluhu inna arshahu ala samawatihi laha kaza qala bi asabi'ihi mithla al-qubbah ay ashara bi yadayhi kal-qubbah. لأن العرش هو سقف المخلوقات. فإذا كان هاك فإذا كان هو كذلك ففيه دليل على عظمته، لأن المخلوقات على سعتها وامتدادها بما فيه بما في ذلك السماوات والأرض وما بينهما، يعني كلها سقفها العرش، يعني فهو عرش منتهٍ في العظم. وفيه بيان أن العرش مقبب. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a indiqué dans cette parole que quand il a dit que le trône il est sur les cieux de cette façon, et il a mis ses doigts comme la forme d'un dôme. Il a mis ses doigts comme si c'était la forme d'un dôme, en voulant dire que le trône, c'est le cheikh dit le trône, c'est le toit de la création. C'est le toit de la création, c'est-à-dire c'est ce qui enveloppe la création. Et il dit, c'est la preuve de son immensité, parce que les créatures, quand on regarde la création, c'est immense. Et quand on regarde les cieux, et toutes les galaxies, tout ce qu'il y a dedans, on voit que c'est immense. Et ça, c'est seulement Sama'ad-Dunya. C'est seulement Sama'ad-Dunya qu'on voit. Et la Terre qui est immense en elle-même. Même si les gens, maintenant, ils commencent à penser que la Terre, elle commence à devenir petite. Alors qu'en réalité, elle n'est pas petite. Il y a plein d'endroits encore sur la Terre qui ne sont pas habités, pas exploités. Mais les gens, ils veulent tous habiter, tous à la même place. C'est pour ça. Les gens habitent tous à la même place. Allah al-Musta'an. Mais une chose est certaine, c'est que Allah Azza wa Jal, il a un plan pour l'univers, il a un plan pour la création, et il n'a pas créé l'univers pour qu'il soit éternel. Mais beaucoup de koufars, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Et surtout, tu entends maintenant les écologistes, et les différents groupes parmi les koufars matérialistes, qui parlent de tout ce qui se passe maintenant dans le monde, avec le réchauffement climatique, et les pôles qui commencent à fondre. Ils disent que bientôt les villes vont être ensouvelies sous l'eau parce que la mer commence à monter, la chaleur commence à augmenter avec les émanations de CO2 et ainsi de suite. Et puis ils disent donc il faut arrêter la production de CO2, il faut baisser ça pour que ça cesse d'augmenter. Puis Allahu alam, qu'est-ce qu'ils vont proposer comme autre programme? Ils disent aux gens de plus manger de viande parce que ça augmente la production de CO2. Et en réalité, ils doivent comprendre une chose. Là, ils commencent à aller explorer Mars. Peut-être qu'ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir s'enfuir, aller habiter sur Mars. Peut-être même certains même commencent déjà à vouloir prendre possession de certaines terres là-bas. Bon, c'est pour dire, Allah Moustain, il commence à donner des noms même aux différentes régions. Donc là, c'est pour dire, ils ne pourront pas s'enfuir. Quand Allah Azza wa Jal, l'heure va sonner, il n'y a pas d'endroit dans l'univers où tu vas pouvoir te cacher. Ça va être tout détruit. Tout va être détruit. Parce que c'est ça que Allah il a prédestiné. Il nous l'a dit déjà. Donc, quand on va voir le soleil qui va disparaître, la lune, les océans qui vont exploser, que tout l'univers va... le cataclysme total, tout va être... tout cet univers-là, ce monde-là, comme on le connaît, la Terre, tout ça, ça va être détruit. Il ne restera plus rien. Donc, ça veut dire que celui qui pense que la vie ici sur Terre, là, ça va être éternel, il se trompe, il est dans les rêves. Parce que Allah, Azza wa Jal, il va détruire tout ça. Et puis c'est après que va commencer le jugement dernier. Et il y aura la résurrection et le jugement dernier. Donc il faut qu'ils arrêtent de rêver avec leur truc là. Et c'est eux qui ont détruit la terre, puis là maintenant ils pleurent. C'est eux qui l'ont détruit. C'est eux qui ont fait tout ça, le climatique, les réchauffements climatiques et tout là. C'est qui a fait ça? C'est les koufars. Principalement c'est eux, parce que c'est eux qui ont... La révolution industrielle, toutes les autres fabrications de trucs qui polluent la terre, là, c'est eux qui l'ont fait. Gaspillage, et ainsi de suite. Nasallallahu ala afiyata. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Allah al-musta'an. Donc c'est ça, le trône il est en forme de dôme. Na'am. Et le cheikh il dit ensuite, donc wa qawluhu la ya'tu bihi atit ar-rahl bir-rakib. Wa bayyana annahu idha kana hadha al-'arsh, idha kana hadha al-'arsh 'ala 'azamatihi wa dhakhamatihi يصيبه هذا التأثر من عظمة الله عز وجل فكيف بغيره من المخلوقات وهذا فيه إثبات استواء الله على عرشه وفيه أن العرش هو أعظم المخلوقات وفيه أنه لا يستغاث بالله على أحد من خلقه وإنما العكس أنه يستغاث بالمخلوق الحي الحاضر إلى الخالق بمعنى طلب الشفاعة من المخلوق عند الله وذلك بدعائه سبحانه وتعالى للمحتاج والدعاء للمحتاج إنما هو شفاعة أو نوع منها. Donc le cheikh il termine ce point là en disant que donc on entend, il dit que dans le hadith on mentionne que on entend un bruit d'écrasement ou de, de un bruit de, il est comme lorsque quelqu'un monte sur une monture ou sur un chariot ou quelque chose comme ça, on entend le bruit. Eh bien, ça, c'est pour montrer en même temps que malgré l'immensité du trône, eh bien, il est affecté par la grandeur d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il s'élève au-dessus de ce trône. Alors, que dire des autres créatures? Et il dit, il y a en même temps aussi l'affirmation que Allah Azza wa Jal il s'élève sur le trône, et il y a également le fait que le trône, c'est la plus grande des créatures, et il y a aussi dans ce hadith le fait qu'on ne doit pas chercher l'intercession auprès d'Allah pour aller vers une créature, mais c'est le contraire qui est légiféré, c'est-à-dire de chercher, de demander à une, de demander yustaghathu bil makhluq al-hayy. Donc, on demande à une créature qui est vivante et qui est présente d'intercéder pour nous auprès d'Allah en demandant l'intercession d'une créature auprès d'Allah. Ça, c'est permis. En faisant une invocation pour nous, pour la pour que la personne fasse une invocation pour nous auprès d'Allah. Et de faire un doua pour la personne qui est dans le besoin, ça, c'est une forme d'intercession. C'est une forme d'intercession, ou c'est l'intercession, ou une forme d'intercession. Donc ça, c'est permis. Si quelqu'un il est vivant, si quelqu'un il est présent, tu lui dis, invoque Allah pour moi, demande à Allah pour moi, et ainsi de suite. Ça, c'est qu'est-ce qui est légiféré. Mais de demander à Allah d'intercéder pour nous auprès d'une créature, ça, c'est de rabaisser Allah Azza wa Jal, et ça, c'est pas permis. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera la semaine prochaine le sujet du prochain chapitre, ou pas prochain chapitre, mais le prochain hadith, c'est Sabrullah ala takdhib al makhluqillah. Donc ça, c'est un chapitre où, dans lequel il y a deux hadiths qui sont mentionnés, c'est-à-dire comment Allah Azza wa Jal est patient avec ses créatures qui le démentent, c'est-à-dire les créatures qui sont mécréantes. Et Allah Azza wa Jal, malgré ça, il est patient avec eux. Donc ça, c'est le sujet de la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.